Guerre ou pas guerre, George W. Bush pourra-t-il renoncer, alors même que semaine après semaine, de nouveaux renforts viennent compléter le formidable dispositif militaire anglo-saxon déjà en place au Moyen-Orient? Sera-t-il dire non à son entourage de faucons? Échappera-t-il à ce climat passionnel et quasi religieux qu'il a lui-même créé le jour où il a parlé de l'axe du mal? Après avoir tant diabolisé Saddam Hussein et son régime de terreur, acceptera-t-il de retenir son bras au dernier moment? Et enfin, a-t-il pris en compte tous les risques d'une guerre qui aboutirait à la chute du régime irakien, mais pourrait précipiter toute la région dans le chaos? Impossible pour le moment de répondre à ces questions, mais il m'a paru utile de revenir avec M. X sur les origines de ce conflit latent qui a pris au fil du temps l'allure d'un duel entre le dictateur irakien et le président américain. Et autant le dire tout de suite, il demeure beaucoup de points d'ombre dans cette histoire, à commencer par celui-ci. Pourquoi, en 1991, alors que le régime de Saddam Hussein semblait prêt à s'effondrer, le père de l'actuel président des États-Unis a-t-il soudain mis fin à la guerre du Golfe et laissé ainsi le dictateur irakien massacrer les populations qui s'étaient révoltées? Bref, pourquoi George Bush Senior a-t-il épargné Saddam Hussein? Mais ce n'est pas la seule question à laquelle se propose de répondre M. X. Et les États-Unis n'ont pas toujours été hostiles à l'Irak, bien au contraire. Et moi, je n'oublie surtout pas que quelques mois avant la guerre du Golfe, un haut responsable américain affirmait que Saddam Hussein était une force de modération dans la région. Ouais. Or, à cette époque, on ignorait absolument rien de la nature sanguinaire du régime irakien. Et on savait en particulier que le dictateur avait utilisé des armes chimiques contre sa population kurde révoltée. Ouais, en faisant des milliers de morts, hein, je crois. Dans la ville d'Al-Abja. Et soyons clairs, jusqu'à l'invasion du Koweït, aux États-Unis, mais aussi plus généralement en Occident, on ne s'est guère soucié des violations des droits de l'homme en Irak. Ouais, parce qu'à l'époque, on avait besoin de Saddam Hussein. C'est évident. Enfin, je ne vais pas remonter très loin. Mais dans la première moitié des années 70, il s'agit d'abord d'éloigner Bagdad de son grand allié soviétique. Et c'est fait à partir de 1975. La France est alors en pointe. Nous concluons avec l'Irak de juteux contrats essentiellement militaires. Ouais, on lui vend aussi des réacteurs nucléaires. Hein. Oui, c'était alors l'époque où le Premier ministre Jacques Chirac était dans les meilleurs termes avec Saddam Hussein, pour qui il éprouvait, disait-il, estime et affection. Enfin, je reviens à ces réacteurs nucléaires. Il y en avait deux. Et l'un d'eux pouvait produire du plutonium. Donc, pour fabriquer une bombe. Naturellement. Saddam Hussein ne s'était pas caché que c'était son objectif. Et je peux bien vous le dire, on a été discrètement soulagés quand les avions israéliens ont bombardé ces installations en 1981, même si officiellement on a protesté. En tout cas, nous avons contribué, nous, Français, mais nous n'étions pas les seuls, à doter l'Irak d'un impressionnant arsenal militaire. Et les Américains aussi? Bien sûr. Les affaires sont les affaires, n'est-ce pas? Oui. Et pourtant, l'Irak figurait sur la liste des pays soutenant le terrorisme. Y était en effet hébergé à l'époque le trop célèbre Abu Nidal. Mais les Irakiens, grâce à leur pétrole, étaient riches. Toutefois, dans le même temps, il faut le souligner, Washington vendait quantité d'armes au Shah d'Iran, qui était alors le principal allié des États-Unis dans la région. Mais tout va changer avec la révolution islamiste de Khomeini. C'est évident. L'ayatollah s'en prend très vite aux Américains. Le grand Satan. Hein. Et souvenez-vous de l'occupation de l'ambassade américaine de Téhéran, qui coûtera sa réélection au président Carter. Dans ce contexte, l'Irak laïque apparaît presque naturellement comme un rempart contre une possible contagion de l'islamisme. Un islamisme qui le menace aussi directement, puisque 60% de sa population est chiite. Mais comme Roménie. C'est ça. Mmh. Une population qui est sous le joug de Saddam Hussein, le sunnite. Mais l'exemple iranien peut lui donner des idées. Donc il convient d'aider l'Irak. Oui, hein? Même plus. Notons aussi que l'arrivée au pouvoir de Roménie en Iran coïncide pratiquement avec celle de Saddam Hussein en Irak. Ah ben attendez, c'était déjà l'homme fort du pays. Oui, mais enfin, il n'était que vice-président. Il y avait un président au-dessus de lui. En 1979, Saddam Hussein l'a purement et simplement écarté et a pris en main tous les leviers du pouvoir. Ah, c'était plus simple. Enfin, quand vous dites que les Américains ont fait plus que l'aider... Ben, il est certain qu'ils l'ont encouragé à attaquer l'Iran en 1980. Comment pouvez-vous en être aussi sûr? Disons qu'ils ne l'ont pas dissuadé, bien au contraire, ce qui revient au même, non? D'autre part, et c'est très important, car je vous le rappelle, l'Irak était encore considéré comme un pays soutenant le terrorisme. Bagdad a pu obtenir discrètement des livraisons de matériel électronique américain dernier cri. Donc Saddam Hussein, à juste titre, considérait désormais qu'il était devenu un allié respectable des États-Unis. Mais un allié soupçonné quand même d'aider les terroristes. Ah, plus pour longtemps. C'est en 1982, si ma mémoire est bonne, que le président Reagan a pris la décision de rayer l'Irak de cette fameuse liste. Dans le même temps, les Américains ont multiplié leur vente d'armes aux Irakiens. Des armes toujours plus sophistiquées.

un putsch commis par des généraux sunnites, puisque ce sont les musulmans sunnites, pourtant très minoritaires, qui accaparent tous les postes de responsabilité. Alors, ça signifie que Bush voulait surtout éviter que les chiites arrivent au pouvoir. Oui, les Américains ne pouvaient pas accepter la création d'une deuxième république islamiste dans la région. Et pour se justifier, ils prétendront que les Iraniens se trouvaient derrière la rébellion chiite. Les Iraniens, c'est vrai ça? Les Iraniens ne pouvaient qu'approuver cette rébellion de leurs frères chiites. Mais à ma connaissance, ils ne sont pas intervenus directement, ou alors très ponctuellement. Bush a sauvé Saddam Hussein malgré lui. C'est à peu près ça, oui, mais je vais plus loin. Et c'est toujours valable aujourd'hui, d'ailleurs. On aurait pu imaginer que les Américains et leurs alliés, marchant jusqu'à Bagdad, éliminent Saddam Hussein et instaurent un régime démocratique. Que se serait-il passé? Les chiites majoritaires dans le pays se seraient mathématiquement emparés du pouvoir. Ça n'était pas acceptable pour Washington. Et ce problème chiite demeure une sacrée épine pour George Bush Jr. au cas où il se résoudrait à chasser Saddam Hussein à l'issue d'une seconde guerre du Golfe. Mais son père, lui, s'est-il résigné? Provisoirement. Après tout, la guerre lui avait permis d'atteindre la plupart de ses objectifs. Les forces militaires américaines étaient maintenant durablement installées dans les pays pétroliers du Golfe et l'Irak exsangue était désormais sous surveillance. Jamais les États-Unis n'avaient été aussi puissants. J'ajoute autre chose. Après tout, le fait que Saddam Hussein soit resté au pouvoir n'était pas entièrement négatif. Ah bon? Que voulez-vous insinuer, là? Il servait l'épouvantail. Tant qu'il demeurait à la tête de l'Irak, on pouvait toujours prétendre qu'il représentait une menace pour ses voisins. Des voisins qui se rangeraient bien sagement sous le parapluie américain et qui n'auraient aucune envie d'en sortir. Ouais, parce que vous prétendez que la menace irakienne n'est pas crédible? Non, j'ai pas dit cela. Encore qu'à mon avis, Saddam Hussein représente plus une menace pour son propre peuple que pour ses voisins. Ouais. Mais après la guerre du Golfe et les destructions de matériel destiné à fabriquer des armes chimiques, biologiques et nucléaires, imposées par les inspecteurs de l'ONU, le potentiel militaire irakien n'est plus ce qu'il était. Oui, mais il a pu cacher des installations. C'est probable. De même que l'argent du pétrole exporté en contrebande a sans doute permis de reconstituer quelques sites de fabrication d'armes. Mais je reviens à ce que je vous disais. Il importait que Saddam Hussein demeure un épouvantail, quitte à prendre quelques libertés avec la vérité. Que voulez-vous dire? Je veux parler d'une affaire curieuse qui s'est produite en 1993. Une tentative d'assassinat contre George Bush. Bien sûr, c'était Saddam Hussein qui était le commanditaire, apparemment en tout cas. En septembre de l'an passé, le journal Le Monde a publié un important dossier sur l'Irak et la guerre annoncée. André Fontaine, son ancien directeur, y analyse les conséquences de la guerre du Golfe. Encouragés par un appel de George Bush, père, alors président, les chiites se révoltent massivement contre le dictateur. Mais rien n'empêchera celui-ci de les écraser, Paris et Londres entendant rapatrier leurs hommes au plus vite, Colin Powell, alors numéro un de l'armée américaine, pensant de même, et surtout les émirs de la région n'ayant aucune envie de voir s'installer à Bagdad un pouvoir influencé par Téhéran. Les Kurdes auront été plus heureux, qui grâce en partie à Daniel Mitterrand et à Bernard Kouchner, bénéficient aujourd'hui de l'autonomie interne dans une zone neutralisée par l'aviation alliée. Depuis lors, Saddam joue au chat et à la souris avec les anglo-saxons, convaincus que son objectif prioritaire est de se doter d'armes de destruction massive capables, en tout état de cause, de menacer Israël et l'Arabie saoudite. D'où des raids fréquents que la population subit de plein fouet, de même que les sanctions imposées par l'ONU. Au mois d'avril 1993, George Bush Senior, qui n'est plus président des États-Unis depuis quelques mois, fait une visite triomphale au Koweït pour commémorer la libération du pays 2 ans plus tôt. Il est reçu en héros et l'émir le décore. 3 semaines plus tard, les autorités koweïtiennes déclarent avoir éventé un projet d'assassinat visant l'ex-président américain au cours de sa visite dans l'émirat. Ce que confirme aussitôt à Washington un haut responsable de l'administration qui ajoute que Bagdad se trouvait derrière cette affaire. Et quel était le plan prévu? D'après les Koweïtiens, il y en avait plusieurs. 2 consistaient à faire exploser des voitures piégées sur le parcours de l'ancien président. 3e prévoyait un attentat suicide. Un homme porteur d'explosifs qui se serait fait sauter dans l'immédiat entourage de Bush. J'ajoute, mais ça ne vous étonnera pas qu'à Bagdad, on a aussitôt démenti toute implication dans cette affaire. Mais comment avait-on découvert ce complot? Les autorités koweïtiennes ont affirmé que 1 mois avant la visite de l'ex-président, grâce à une source irakienne, ils avaient eu vent d'une tentative d'attentat contre Bush. Ils avaient donc pu intercepter les terroristes avant qu'ils ne puissent agir. Ces hommes ont donc été arrêtés? Oui, une bonne dizaine. Et ils seront jugés assez rapidement. Mais avant, je voudrais vous dire que des enquêteurs du FBI ont été envoyés sur place.